Et tout de suite sur Radio Dio, c'est qui ou quoi ? Roman, BD, documentaire, livre pour enfants ou guide de voyage, c'est qui ou quoi sur Radio Dio. Une heure pour parler de livres et de choses et d'autres, de films, de sites, de jeux vidéo, pourquoi pas. À lire donc avant d'aller se coucher ou demain après le travail ou n'importe quand en fait, quand vous voulez. Donc, je suis Axel, pour vous servir. Dans cette émission, je suis accompagné de Benjamin. Bonjour Benjamin. Bonsoir Axel. Une belle saturation. Est-ce que tu peux reparler, s'il te plaît, pour que j'essaye de régler le micro un petit peu comme il faut ? Eh bien, écoute, allons-y, je parle et tu vas régler le micro pendant ce temps. Voilà, c'est ça. Bon, ça a l'air d'être à peu près bon. Donc, bonsoir Benjamin pour cette deuxième émission de la saison. Hein ? Déjà. Déjà, voilà. une émission qu'on va pouvoir qualifier un peu à l'arrache, hein, quand même. Bah, c'est pas le titre de l'émission ? Ouais, on pourrait changer, on pourrait effectivement le changer et l'appeler un petit peu comme ça. Une émission où donc on va parler de... alors moi, je vais vous parler d'un livre, enfin c'est pas un livre, c'est un MOOC, ça s'appelle, d'un site qui s'appelle Capture Mag. Tu vas nous évoquer un peu tes lectures croisées, hein, comme tu m'as dit. Exactement. Et puis, on va peut-être se finir un petit peu sur un jeu vidéo. Alors, est-ce que tu as eu le temps d'y jouer ou pas ? On n'a pas eu le temps de se briefer. Non, j'ai joué 20 minutes tout à l'heure et j'ai cru que j'allais être en retard pour l'émission. D'accord. Bon, bah, écoute, on verra bien. Bon, et eh ben, qui ou quoi ? C'est parti. Alors, j'ai fait un petit peu différemment, j'ai pas les musiques d'accompagnement tout de suite, donc on va commencer. Alors, je vais commencer par vous parler, donc, comme j'ai dit, d'une chose qui s'appelle un MOOC. Alors, toi, Benjamin, est-ce que tu sais ce que c'est un MOOC ? Oui, vaguement. Eh ben, vas-y, tiens. Alors, je suppose que tu ne fais pas référence au Massive Online Course. Donc, a priori, c'était bien ça, hein. C'est pas ça que tu faisais référence. Non, c'est des espèces de gros magazines qui sortent de manière un peu... Oui, d'ailleurs, MOOC dont tu parles, c'est avec un C, je crois. Ouais, et toi, c'est avec un K. Et voilà, c'est ça. C'est un mélange entre magazine et book. C'est ça. Et donc, ça fait MOOC. Et donc, moi, je voulais vous parler du MOOC de Capture Mag, qui est sorti il y a quelques mois maintenant... suite à du crowdfunding, si ma mémoire ne me joue pas de tours. Et en fait, parler de ce MOOC, c'est l'occasion un peu de parler de Capture Mag et un peu de toute une nébuleuse de critiques de cinéma de genre et de cinéma tout court qu'on voit fleurir sur Internet. J'en parlais un petit peu avec Dominique avant de lancer l'émission, Dominique de La Nuit des Temps, de l'émission juste d'avant. Effectivement, une nouvelle génération de critiques, pas les Cahiers du Cinéma, pas Télérama, encore autre chose en fait, des gens qui ont entre 35 et 50 ans au bas mot, ou pour être large, quoi. Et même pas, ils sont rejoints dernièrement par des beaucoup plus jeunes, et qui ont une vision différente du cinéma de genre et du cinéma tout court. Alors, Capture Mag, en fait, au tout départ, c'est donc un site qui va décortiquer les films de genre type Die Hard, enfin, comment ça s'appelle en français ? Piège de cristal. Piège de cristal, ouais. Voilà, Piège de cristal et autres Predator, en passant par Terminator, etc. Donc pour ça, eux. C'est bien parce qu'en français, c'est pareil. Predator. Et Terminator. Oui, ça, ça va. Mais j'aurais pu le dire avec l'accent anglais. Mais bon. Et en fait, donc, une espèce de, donc, ce sont des critiques qui ont commencé leur carrière dans le fameux magazine Mad Movies, qui est un magazine de, qui parle de films d'horreur, fantastique, et de films de genre. Pour le coup, j'ai pas regardé, mais Mad Movies, ça doit exister depuis bien, bien longtemps. Je crois, début des années 80, quelque chose comme ça. Donc c'est des gens qui ont commencé dans ces journaux-là et qui se sont lancés pour dans l'aventure d'Internet et qui ont commencé à faire des chroniques sur Internet à partir de 2012. Et en fait, ce MOOC-là, c'est un recueil de tous les articles les plus importants. Alors, ils n'ont pas fait que des articles, ils ont fait aussi des interviews. Il y a des analyses de films, mais il y a aussi des analyses d'œuvres, carrément, des approches un peu plus théoriques, enfin, des articles de fond sur certaines œuvres, etc. Donc, voilà, ils ont sorti ça il y a quelques mois. Et donc... Donc voilà, bon, j'arrête pas de dire donc voilà. En fait, c'était surtout un prétexte. Parce que moi, donc, je les aime beaucoup. Enfin, je les aime beaucoup, mais à partir de là, je vais partir un peu dans tous les sens. Donc tu m'arrêtes, Benjamin, si ça part un peu trop loin. D'accord. Donc, il faut que je t'écoute, en fait, c'est ça ? C'est ça. Tu arrêtes ce que tu es en train de faire et tu m'écoutes. En fait, je les ai découverts dans un podcast qui s'appelle Nos Ciné. Nos Ciné, qui était un podcast produit par le studio de podcast Binge Audio. Et en fait, je m'y retrouvais bien dans ce podcast parce que j'avais découvert vraiment par hasard, suite à un autre podcast sur le rap qui s'appelait No Fun. Enfin bon, allez, on arrête, sinon je vais partir loin. Et dans Nos Ciné, il y avait deux chroniqueurs qui venaient de Capture Mag, Stéphane Moïsakis et Julien Dupuis. Et en fait, leur approche des films... Bon, dans Nos Ciné, c'est pas que des films de genre, même si c'est plutôt des films de genre. Il n'y a pas forcément que des films de genre purs et durs. Mais en tout cas, leur approche du cinéma, et surtout leur approche du film de genre, pour le coup, me plaisait plutôt. Et quand Nos Ciné s'est arrêté... bon, tous les podcasts sont disponibles en ligne si vous les cherchez. Bon, après, maintenant, c'est des films dont on n'entend plus parler, donc je ne sais pas si ça a vraiment un grand intérêt d'aller réécouter tous ces podcasts-là, qui étaient quand même bien liés à l'actualité cinématographique de l'époque. Mais donc, Stéphane Moïsakis et Julien Dupuis, eux, ont profité de l'expérience de Nos Ciné pour développer des podcasts à eux en complément du fameux site de Capture Mag. Et sachant que le site de Capture Mag, au-delà des articles, ils ont aussi commencé à développer des formats, je ne sais pas si c'est bon mot, hybride, mais en tout cas des vidéos sur YouTube où ils dépiotent des chefs-d'œuvre comme Cobra avec Stallone, ou qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a Die Hard, je crois. Enfin bon, ils dépiotent des comme le dit l'accroche, ce sont des vidéos qui font l'exégèse des gros bras. Donc en fait, des analyses de films de gros bourrins des années 80-90. Ils ont fait les articles, ils ont commencé à développer les vidéos sur YouTube. Ensuite, dans la foulée de Nos Ciné, ils ont développé des podcasts. Toujours dans la continuité de tout ça, eh ben, ils ont commencé à filmer leurs podcasts, un peu comme ce que font des grosses chaînes comme France Inter ou des choses comme ça. Ils font des live Twitch. Ils ont récupéré Yannick Dahan, qui est un grand pote à eux. Alors Yannick Dahan, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un critique de films de genre, pareil, un critique de films de genre chauve. J'espère qu'il... C'était utile de le préciser. Ouais. C'était gratuit. Bref, qui faisait au tout départ des vignettes de critiques. D'ailleurs, c'est toi qui me les avais fait découvrir, Benjamin, à l'époque sur je ne sais plus quelle chaîne du câble. Je ne sais plus non plus. Ciné Frisson, je crois, ou un truc comme ça. Ça doit être ça, ouais. Et qui avait en fait une façon de présenter, de critiquer les films qui était assez, assez fun et assez enthousiasmante. C'est-à-dire que c'était un mélange entre des chroniques très écrites et des interventions hors caméra, quoi. Et bref, donc c'est un pote à eux. Ils ont récupéré Yannick Dahan, qui n'a plus le droit de faire de critique, enfin, sur Ciné Frisson. Et donc maintenant, il a sa critique, son espace personnel dans la nébuleuse Capture Mag. Ça s'appelle La Minute Dahan. Pareil, vous pouvez le retrouver en podcast sur toutes les applis, mais vous pouvez aussi les voir en vidéo sur YouTube. Etc. Et donc tout ça, ça fait une grosse nébuleuse assez intéressante, qui malheureusement ne parle que de films de genre. Et c'est vrai que des fois, on aimerait bien qu'ils s'ouvrent un petit peu plus à d'autres styles de films. C'est-à-dire que clairement, ils détestent les films français. Donc du moment où c'est un film français, et ben, ils ont un a priori négatif et c'est un petit peu compliqué. Mais bon, voilà. Donc je voulais en profiter aussi, donc une fois que vous avez les vidéos de Capture Mag, le MOOC de Capture Mag, le site de Capture Mag, les podcasts de affiliés à Capture Mag, il y a d'autres formats, il y a un format sur les monstres qui vient de sortir, un truc sur les tropes au cinéma qui est un peu prise de tête, c'est-à-dire les figures de style qui reviennent depuis l'invention du cinéma et comment elles ont pu évoluer, etc., etc. Vous avez la Minute Dahan, mais je voulais aussi évoquer, parce que je n'arrive pas à penser à l'un sans penser à l'autre, parce que tout ça vient du fameux podcast de Nos Ciné, il y a aussi des vignettes YouTube avec une chaîne d'analyse de comédie qui s'appelle Calmos. Et la série, c'est rigolo, où en fait ils dépiotent les mécanismes des comédies françaises les plus connues. Ça va des Bronzés font du ski au AOC 117. Voilà, et je vais continuer dans cette nébuleuse-là avec un autre podcast qui lui s'appelle Discordia. Je ne sais pas si tu connais, Benjamin. Non. Alors Discordia, c'est une série de podcasts créée par François Coe. François Coe qui est projectionniste a priori à l'Alpe d'Huez, mais qui est aussi journaliste à Mad Movies. Lui, il n'a pas quitté Mad Movies pour le coup, et qui fait des podcasts fleuves sur des œuvres, sur des pans cinématiques, des pans entiers d'œuvres cinématographiques dont personne ne parle. Par exemple, il va faire quand même 3 heures sur tous les épisodes de la série Saw, en disant qu'ils sont tous nuls d'ailleurs, mais bon, ils vont quand même les dépiauter. Ils ont essayé, je crois que j'en avais parlé quand j'avais parlé du livre sur Nicolas Cage de Lelo Jimmy Battista. Alors ça, vous pouvez aller les chercher dans les podcasts de l'émission sur le site de Radio Dio, où en fait ils ont dépiauté, ils ont essayé, parce qu'en fait ils se sont arrêtés en chemin parce qu'ils n'en pouvaient plus de regarder des films avec Nicolas Cage. Ils ont analysé tous les films de Nicolas Cage depuis le début jusqu'à, ils ont raté la dernière période parce qu'ils n'en pouvaient plus, quoi. Parce que pendant un an, ils avaient l'impression de regarder que des films de Nicolas Cage et ils n'avaient même pas réussi à dépasser les 2/3 de sa filmographie. Bref, il y a donc cette nébuleuse-là aussi, Discordia, avec d'autres critiques de cinéma encore, donc le fameux Lelo Jimmy Battista qui lui est qui travaille chez Libé et qui s'occupe de la partie film dans la newsletter culture de Libé, par exemple, etc., etc. Voilà. En fait, ça fait un petit peu catalogue de noms, tous ceux dont je viens de parler. Alors, je sais pas. Ce qui pourrait peut-être être intéressant, c'est que je mette le podcast sur le site et que, pour le coup, je mette les liens. Je ne sais pas ce que tu en penses, Benjamin. Je t'invite à le faire. Mais, et tu voudrais pas le faire toi, plutôt ? Ben non. Bon, d'accord. Bon, tant pis. Je voulais quand même évoquer tout ça parce qu'en fait, c'est des portes vers un cinéma un tout petit peu différent. Et une façon de voir les films différemment, sans être un truc de gros bourrin, décérébré, plutôt des trucs réfléchis. Et personnellement, sans aller regarder tout ce dont ils parlent, loin de là, ils m'ont ouvert quand même les yeux sur certaines œuvres et j'ai découvert des choses grâce à eux et grâce à tous ces gens-là. Et donc, je me devais un peu de rendre l'appareil à tout ça. Voilà. Quelque chose à rajouter, Benjamin ? Non, je pense que tu as été assez long. J'ai été assez intéressant, tu as confondu les mots. Bon, on va faire une petite pause musicale avec un morceau que j'ai découvert ce week-end et que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'était le morceau M. Sunduza par le groupe Dollar Brand. Alors, j'ai des petits soucis de technologie. J'ai l'impression que j'ai perdu notre interlocuteur Benjamin. Alors, on va attendre qu'il nous rappelle. S'il a compris qu'il fallait qu'il rappelle. S'il a compris qu'il fallait qu'il rappelle, eh ben, on va le retrouver. Ah. Et voilà, de retour, Benjamin. De retour. Alors, celle-là, on ne l'avait pas encore faite. Et ben voilà. Je suis assez content. J'en fais vraiment une nouvelle par émission. Et je trouve ça vraiment très intéressant. Ben, je sais pas si c'est toi, hein, d'ailleurs. Non, je ne vais pas dire des choses sur mes collègues. Si, quand même. Bref, de retour sur Radio Dio, donc après le morceau Mzunduza de Dollar Brand. Benjamin, je te laisse la parole pour nous parler de tes lectures croisées. Oui, alors, c'est vraiment lecture croisée, mais c'est quelque part assez dû au hasard. Je vais déjà vous parler de deux BD. Deux BD écrites par des femmes. Voilà, il y en a une qui s'appelle Le Grand Vide de Léa Muraviec, et l'autre qui s'appelle Le Grand Jeu de Rachel Deville. Et Rachel Deville, on en a déjà parlé dans l'émission. Tout à fait. Tu confirmes, pareil, il y a un podcast qui doit être disponible sur le site. Voilà, Rachel Deville, qui a été stéphanoise, enfin qui est même née à Firminy, voilà, et qui maintenant vit à Genève. Bref, on avait parlé de L'Heure du Loup, je crois. Tout à fait. Et donc elle vient de sortir Le Grand Jeu chez Atradi. Donc, Le Grand Vide, moi, je n'en connaissais rien du tout. C'est juste que je l'ai trouvé dans un bac en solde, tu sais, avec un joli macaron pour dire que la BD devait être à genre 3 euros. Sachant que c'est quand même un assez grand format. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion, toi, de la lire, celle-ci, Axel. Non, pas du tout. Il n'y a pas de bac d'occasion à Saint-Étienne. Mais voilà, alors je ne connais pas du tout, l'autrice. C'était une découverte, mais c'est vrai que la couverture était plutôt chouette, très graphique. Et en fait, bah, tout le bouquin est quand même très graphique. Ça tombe bien pour une BD, tu me diras. Hein, j'ai pas voulu te mettre en difficulté en te disant que t'énonçais un peu des lapalissades. Bah non, parce que figure-toi qu'il y a quand même des bandes dessinées qui n'ont de dessiné que le nom, quoi, que le mot. Voilà, j'aimerais pas être à ta place. Vas-y, oui. Donc voilà, donc celle-ci, il y a un vrai style, c'est assez rigolo, parce que le dessin est très dans la rondeur, avec un trait un peu épais, c'est très monochrome, pas que, mais c'est quand même très monochrome, et au milieu de ça, au milieu de ce dessin très rond, un peu... Je sais pas, qui pourrait presque un peu faire 70s, mais pour le peu que j'en connais, je vais pas aller beaucoup plus loin dans l'analogie. À côté de ça, il y a des choses très géométriques. Il y a beaucoup de planches qui représentent la ville. Et faut peut-être que je vous dise de quoi ça parle, en fait. Oui, et pourquoi, en fait, est-ce qu'il y a un rapport entre les deux ? Ouais, il y a des rapports. Il y a même des rapports entre les deux. En fait. Sur le style, que ça soit chez Léa Muraviec ou chez Rachel Deville, donc on est dans du monochrome, on va dire. Alors le grand jeu de Rachel, il est vraiment en noir et blanc, et puis quelques grisés, quelques hachures grisées, etc. On est dans les deux cas sur des choses qui sont assez fournies. Sur un plan purement graphique. Tu vois, moi, je fais partie de ces gens... Enfin, je ne sais pas si, en fait, on est tant que ça, mais je me suis rendu compte, il y a maintenant quelques temps, que je lisais surtout les textes dans les bandes dessinées et je ne regardais pas toujours les dessins. J'ai une théorie là-dessus. Ah, qui m'intéresse du coup. Mais bon, ça va te faire très, ça va faire un peu éditorialiste parce que c'est vraiment au doigt mouillé, c'est sans aucun fondement et c'est une question que je me pose. Donc, mais continue d'abord et puis, je pense que personnellement, je lis beaucoup les textes et des fois, j'ai l'impression de ne pas regarder les images du tout. Mais en fait, je pense que j'ai un œil qui photographie mieux les images que le texte. Ouais. Bon, alors, pour tu sais, il y a des techniques de lecture rapide où en fait tu vocalises pas ton mot dans la dans la tête et en fait tu le mot va directement dans ton cerveau quoi. Et moi je sais que quand je lis, je vocalise vraiment quand je lis un livre, je lis les phrases dans ma tête. C'est pour ça que je suis assez long à la lecture. Et je me suis toujours posé la question, c'est est-ce que en fait ce truc de photographier l'image, je l'avais pas intégré et qu'en fait je passais du temps sur le texte parce que j'ai ce temps de vocalise, mais qu'en fait l'image je l'imprimais directement. Voilà, c'est tout, c'est ma théorie. Okay. C'est une question que je me pose. C'est pas pour autant que je ne vois pas les détails et que je ne m'arrête pas sur le dessin, mais force est de constater que je passe plus de temps à lire qu'à regarder le dessin. Voilà. Eh ben, moi, ma théorie, c'est que j'avais trop fait ma culture BD à lire Achille Talon et ses plans de texte immenses. Mais voilà, donc tu vois, on n'a pas tout à fait le même point de vue là-dessus. Non, moi, je sais que je regarde pas forcément le dessin. Et tu vois, j'ai commencé à regarder, à me rendre compte et à être plus attentif au dessin en lisant Peanuts. D'accord. Alors que pourtant, c'est pas la BD qui va avoir le dessin le plus virtuose de la Terre. Eh ben non, et c'est hyper. En plus, j'ai commencé à lire, tu sais, les tout premiers, donc on est vraiment dans un dessin assez minimaliste, mais justement, il a de quoi t'occuper. C'est assez intéressant. Enfin bref, là, on a quand même fait une belle parenthèse. Mais les deux bouquins, que ça soit celui de Rachel Deville ou celui de Léa Muraviec. C'est au contraire des livres sur lesquels tu peux passer du temps à regarder les images parce qu'il y a quand même pas mal de choses. Tu vois, c'est assez rempli. Par exemple, dans le bouquin dans le Grand Vide, tu as des pages complètes de façades d'immeubles, tu vois, de villes. Alors c'est plutôt des buildings, des choses comme ça, et remplies de noms et de prénoms. Alors, je sais pas si s'il y a une obligation à tous les lire, mais moi, je sais que je les ai tous lus. Et en fait, voilà. Du coup, ça va être le moment de parler un peu de quoi, enfin, du sujet du bouquin. Le Grand Vide, ça se passe dans une société où il faut exister socialement. C'est très important. C'est même tellement important que le personnage principal, l'héroïne, son métier, c'est de lire des noms. Voilà, parce que pour exister, il faut que les gens parlent de nous ou au moins disent notre nom. Et c'est pour ça qu'on a une ville remplie de façades avec des noms dessus, parce qu'il faut absolument qu'on puisse lire notre nom pour qu'on puisse continuer à exister et à être, en fait. Hein, parce que le personnage est un peu en déficit de présence, comme ça, et sa vie, à un moment, est même menacée. En fait, ce qui se passe, c'est qu'elle a une homonyme qui devient hyper célèbre, grâce à une chanson. Et du coup, quand on utilise son nom à elle, c'est pas pour penser à elle directement. Et donc, elle s'étiole, elle disparaît. Et son but, c'est d'aller faire un tour dans le grand vide, qui est une espèce de... Enfin, on sait pas ce que c'est. Voilà, c'est le grand vide. Il faut aller dans le grand vide pour sortir un peu de cette société où, si on n'est pas présent à chaque instant aux yeux des gens, sur les écrans des gens, etc., on n'existe pas. Donc, ça parle quand même pas mal d'identité, au final, d'identité dans notre société actuelle. Et, en fait, un jour, elle va donner une baffe à quelqu'un et ça va être filmé. Et cette vidéo va être virale. Et du coup, elle va devenir célèbre. Et donc, on va parler d'elle. Et quand on arrive à faire parler de soi suffisamment... on peut devenir immortel ou presque, ne plus vieillir, etc., etc. Donc voilà, c'est un peu c'est l'aventure de cette jeune femme et de sa lutte pour exister, et puis en fait pour revenir à des choses d'une vie un peu plus quotidienne une fois qu'elle a connu la célébrité, pour en plus des raisons qui sont quand même pas extraordinaires. Donc ouais, il y a vraiment un style au niveau du dessin. C'est très rigolo ce côté avec ces noms un petit peu partout. C'est vrai qu'elles sont pas rares les planches, comme je disais, de qui représentent la ville et toutes ses façades avec des enseignes qui sont pas forcément des enseignes de magasins, mais les noms des gens. Et donc là, on retrouve des points communs avec le grand jeu de Rachel Deville. Donc en dehors du fait qu'on est dans les deux cases sur des choses monochromes, on va dire, c'est que dans le bouquin de Rachel, c'est aussi très géométrique. C'est aussi très, très graphique, excuse-moi, hein, du peu. Et il est aussi question d'identité. Il est aussi question de travail un peu absurde et inutile. Voilà, dans le grand vide, son travail, c'est de lire le nom des gens. Là, le personnage principal dans le grand jeu doit fabriquer des pièces et les cadences sont de plus en plus infernales. Les deux personnages vont voir des analystes pour essayer d'en savoir un peu plus, de comprendre un peu plus qui ils sont. Alors, il y a un truc que je n'ai pas dit sur le personnage principal du grand jeu de Rachel Deville, c'est qu'il a trois têtes. Et que tous les personnages, de toute façon, sont un peu bizarres. Certains sont juste des têtes avec des jambes, certains sont des corps, mais sans tête. Voilà, tous les corps sont nus. Donc c'est déjà assez particulier. Enfin, de toute façon, l'univers de Rachel Deville est somme toute assez particulier, je crois, à la base. Et donc voilà, on a ce personnage qui a trois têtes et trois cerveaux. Donc il y a les deux extrêmes, puis il y a celui qui est au milieu. Et ils sont pas toujours d'accord et ils vivent voilà dans une société qui ressemble aussi à la nôtre, hein. C'est un peu dans les deux cas une caricature des sociétés qu'on connaît actuellement. Donc c'est à la fois deux bouquins qui sont très ancrés dans une réalité absurde, beaucoup un peu angoissante aussi quand même, et en même temps avec quand même pas mal de choses absurdes, parce que là notre homme à trois têtes il est un peu seul en son genre dans ce monde où les gens voilà, certains donc sont que des bras avec des têtes aussi, mais en attendant un gars avec trois têtes, il y en a qu'un, et c'est Gus, le héros du grand jeu. Donc tout le monde le remarque, tout le monde l'observe, et il se bat un peu avec ses propres démons, sa condition sociale, son identité, ses identités. Et les onomatopées, tu vois, on voit beaucoup Gus dans l'usine dans laquelle il travaille au début. Les onomatopées de l'usine, elles sont partie intégrante du décor. Ouais. Je sais, tu vois, tu vois, t'as une planche où on voit l'usine et t'as les tac tac tac tac tac des machines qui sont vraiment dans partie intégrante du décor. On voit aussi pas mal de planches concernant la ville dans laquelle évolue Gus. Donc ouais, on a deux choses assez proches graphiquement. On va pas dire ça comme ça, parce que le style de Léa Muraviec est vraiment plus rond que celui de Rachel Deville. Mais j'ai trouvé ça très drôle, moi, de lire les deux à la suite. Tu vois, le grand vide, le grand jeu, il y avait une espèce d'évidence. Donc, et effectivement, qui s'est avéré... porteuse de sens. Moi, j'aime bien quand il y a des choses comme ça qui se produisent. Donc moi, je vous invite à lire ces deux bouquins, Le Grand Vide de Léa Muraviec et Le Grand Jeu de Rachel Deville, et tant qu'à faire, de les lire l'un après l'autre, ou alors si vous vous sentez, vous pouvez essayer de croiser les lectures vraiment, vous lisez une page de l'un, une page de l'autre, et puis après, vous nous faites part de votre expérience de lecture de ces deux BD. Très bien. On se fait une petite pause ? Allez. Je vais essayer de ne pas te raccrocher au nez. C'était Claire Rouzet avec le morceau Sigh in My Ear. On est de retour dans Qui ou Quoi, une émission qui parle de livres, cinéma et autres. Là, on va vous parler encore un petit peu de livres. Enfin, Benjamin va vous parler de encore un petit peu de livres avec son buzz sur le téléphone. Je sais pas ah si bon tu... Oui, il y a un énorme buzz, mais c'est un problème à Radio Audio. Donc voilà, c'est comme ça. Donc deuxième lecture croisée après les bandes dessinées. Des romans. Vas-y. Ouais, non même pas. Ouais, alors il y en a un marqué roman dessus. Figure-toi que j'ai lu un livre d'Amélie Nothomb. Oui, mais ça c'est pas grave. Ça t'était peut-être déjà arrivé, non? Ça m'était déjà arrivé il y a très longtemps, l'époque où je vivais encore à Saint-Étienne d'ailleurs, avec Les Combustibles, qui était sa pièce de théâtre. D'accord. J'ai pas forcément lu, tu sais, les stupeurs et tremblements, etc. Ouais. J'en ai lu un autre. Je saurais même pas te dire le titre. Mais c'était, enfin, j'avais trouvé ça, mais nul, mais un truc. Ça avait été bien pour m'occuper le temps de, tu sais, de rester dans la salle d'attente chez le médecin, en gros une heure, quoi. Mmh. Voilà. De toute façon, je pense que c'est à peu près la durée moyenne de lecture des bouquins d'Amélie Nothomb. Et non mais comme ça, si elle avait pas d'habits, elle en aura pour l'hiver, quoi. Non mais enfin voilà, je crois pas raconter de conneries. Ces bouquins doivent rarement faire plus de 150 pages. Ouais, c'est assez calibré, ouais. Voilà, c'est comme il y a des bonnes marches et écrit gros, enfin voilà. Donc effectivement, je cours pas spécialement après ces bouquins. Le personnage médiatique m'intéresse pas plus que ça, même s'il a le mérite d'exister. Elle est pas inintéressante à écouter. Et je crois que c'est justement en tombant sur une interview d'elle à la radio que j'ai eu envie de lire Psychopompe, donc dans son dernier livre. Parce que non seulement j'ai lu un Amélie Nothomb, mais en plus... T'as lu le dernier. J'ai lu le dernier, tu vois, je peux dire, j'ai lu le dernier Nothomb. C'est pas souvent que ça m'arrive. Écoute, c'est bizarre, ouais, c'est un peu bizarre que ça soit marqué roman, parce que, en fait, il s'agit beaucoup d'elle, mais elle parle beaucoup d'oiseaux, de son rapport aux oiseaux, de ce que ça a apporté dans sa vie et du lien qu'elle fait entre l'acte de voler pour un oiseau et celui d'écrire pour un être humain. Voilà, elle fait des comparatifs comme ça. Donc elle parle beaucoup d'oiseaux, elle y parle aussi de son anorexie. Enfin, donc ça commence tout jeune, hein. On la suit depuis l'enfance. Du plaisir qu'elle a à écouter les oiseaux quand elle est au Japon, de celui et qu'elle perd quand son père est muté en Chine, parce qu'apparemment les oiseaux sont plutôt mal vus en Chine et ils sont chassés, et on entend très peu le chant des oiseaux à Pékin, visiblement, enfin, en tout cas à l'époque de sa jeunesse. Elle parle du Bangladesh où elle a vécu, des États-Unis où elle a vécu, etc. Mais avec c'est sa jeunesse et son lien aux oiseaux et quelques, j'allais dire mésaventures, mais ça va au-delà, un drame en particulier qu'elle vit enfant et à cause duquel elle passe par l'anorexie, jusqu'à sa rencontre avec l'écriture. Et écoute, moi ce qui m'avait intéressé, donc le livre s'appelle Psychopompe, je dirais pas ce que veut dire ce mot-là, c'est intéressant de lire le livre pour le savoir ou d'aller dans un dictionnaire, hein, si vous voulez pas prendre une heure pour lire ça. Mais, un peu plus d'une heure. Elle parle donc aussi de son rapport à l'écriture, elle parle aussi du deuil et notamment de la mort de son père. Elle a écrit un bouquin là-dessus qui doit s'appeler Soif, qui a priori, est-ce que c'était Soif? Je sais pas, je suis pas assez spécialiste d'Amélie Nothomb. Non, moi non plus. Pour savoir ça, mais qui avait eu de bonnes critiques, je crois, à l'époque. Parce que c'est pareil, c'est pas toujours le cas des bouquins d'Amélie Nothomb, hein, faut pas se mentir. Moi, je serais un peu plus mesuré par rapport à ça. C'est quand même assez constant. C'est souvent... En qualité, tu veux dire ? Non, en termes de critique. L'accueil critique, on pourrait en dire pas mal de choses, surtout sur Amélie Nothomb. Un peu, on pourrait se plaindre d'une certaine forme de paresse. Bah, est-ce qu'il y a un accueil critique, en fait ? C'est même la question qu'on peut se poser. C'est juste qu'elle vient au moment de la rentrée littéraire. Elle en sort un tous les ans au moment de la rentrée littéraire. Voilà. Et oui, que, c'est un accueil promotionnel plus qu'un accueil critique. Oui, voilà, mais ils sont toujours... ah bah le dernier, il est bien. Le dernier, il est bien, ou c'est le mieux, il est mieux que celui d'avant. Ou... Enfin, si c'était vraiment ça, si c'était vraiment ça, elle ferait des chefs-d'œuvre depuis un petit moment, vu qu'elle en a bien une vingtaine. Mais voilà quoi. Oui, c'est toujours un petit peu constant dans sa façon, dans l'accueil et dans la façon dont il est, ouais, dont on est promu quoi. Après, l'avant-dernier, pas le dernier, mais l'avant-dernier avait été un tout petit peu plus encensé que les autres. Voilà, c'est tout. Ouais. Donc c'était les prénoms épicènes, je crois. Oh, ça date déjà, ça, non, tu crois pas ? Je sais plus. Ouais. Bon, enfin bon. Non, le livre des sœurs, le dernier, tu vois, enfin l'avant-dernier, du coup. Ah enfin, bon, ça doit être l'avant-avant-dernier parce que. Bah non, celui-là, il vient de sortir, on s'y perd. Hein, on s'y perd, il y en a un par an, et puis bah, en fait, voilà, il y a aussi d'autres trucs à lire. Mais tu vois, si j'en crois, en tout cas, mais nos corrélégionnaires du Masque et la Plume, celui-ci était censé être un bon cru. Et je t'avoue que. Ça se lit plutôt bien. Enfin, on sent qu'elle a un plaisir à écrire. On sent aussi qu'effectivement, elle doit avoir une grosse pratique de l'écriture. Tu vois, je pense qu'elle s'astreint à une écriture quotidienne, etc. Donc, il y a des moments, il y a quelques facilités, j'ai envie de dire. Mais globalement, j'ai trouvé ça assez intéressant. Elle dit des choses assez intéressantes sur l'acte d'écrire. Donc peut-être que d'autres ont déjà dit ça ou autrement, mais enfin voilà, je peux quand même en conseiller la lecture. Et donc pour la croiser cette lecture, c'est que le livre que j'ai lu juste avant celui-ci, c'est Vivre avec nos morts de Delphine Horviller. Alors oui, ok. Tu vois qui est Delphine Horviller ou pas ? Oui, bien sûr. Tu en avais déjà parlé, non ? Moi non, c'était pas toi. Non. Non, ça devait pas autant être pour moi. Autant pour moi. Autant pour moi. Oui, c'est une femme rabbin qui a fait vivre. Rabbine, pardon. Bah oui, non, mais on n'a pas souvent l'occasion d'employer ce mot, donc utilisons-le. Oui. C'est une rabbine. Et donc, voilà, moi, je me fais une petite thématique littérature autour du deuil en ce moment. Et donc, je me dis, tiens, vivre avec nos morts, bah, pourquoi pas. Et en fait, c'est. Alors oui, il est fait mention de la mort quand même de manière importante dans le livre, mais finalement c'est plus par son rôle de rabbine dans l'accompagnement qu'elle a auprès des familles quand il faut faire des cérémonies, etc. Et ma foi, c'est assez intéressant aussi. Enfin, finalement, elle y parle quand même beaucoup de sa religion, mais de manière quand même assez, enfin tu vois, assez ouverte. C'est pas un livre de prosélytisme, mais d'ailleurs elle en parle à un moment en disant qu'elle a de la chance parce que finalement dans sa religion il n'y a pas de prosélytisme à faire. Oui. Hein, voilà, puisqu'a priori c'est un truc basé sur la filiation. Ouais, ouais. Voilà. Donc en disant finalement ça nous libère de tout prosélytisme et c'est vrai que c'est assez rigolo. Donc c'est plutôt bien écrit. C'est pas le truc stylistiquement parlant, c'est pas le meilleur livre que j'ai lu, mais tu sens que c'est quand même assez bien écrit, qu'il y a une finesse d'esprit, il y a des choses assez drôles. Et en fait, chaque chapitre va parler d'un cas différent, d'une femme qui est obsédée par ses obsèques, qu'elle veut absolument organiser, tu vois, que tout soit parfait et au cordeau pour que, au moment de son départ, ses proches n'aient pas à se soucier de quoi que ce soit. Donc, elle a tout prévu, de la cérémonie, de qui devait dire quoi à tel moment, etc., etc. Des choses un peu plus dramatiques aussi. Mais voilà. Et donc, il y a beaucoup fait référence à la mort, donc, dans la religion juive, du Talmud, de la Torah, etc. Mais c'est quand même c'est très intéressant sur la place sociale du rabbin dans ces moments-là. Enfin, voilà. Donc, c'est pas vraiment une lecture croisée avec le bouquin d'Amélie Nothon, si ce n'est qu'effectivement il y a fait mention de deuil et de mort, etc. Mais c'était sorti, je sais plus chez qui c'est sorti ça. Nothon, c'est sorti chez Albin Michel comme toujours. Pour le bouquin d'Orviller, je ne sais plus chez quel éditeur c'est. C'est Gallimard, un truc comme ça. Non, on est mauvais là. Ouais, là on n'est pas très bon. Mais je sais qu'il a été réédité en livre de poche, du coup, celui-ci. Donc, c'est vrai que, quelque part, je suis resté un peu sur ma faim, sur le côté vivre avec nos morts, tu vois, sur le deuil, etc. Mais j'ai quand même appris pas mal de choses sur la religion juive, sur le rapport à la mort dans cette religion, etc. etc. Et c'est plutôt intéressant. C'est vrai que Delphine Orviller, c'est quelqu'un qu'on voit quand même pas mal. C'est pareil, elle est assez télégénique. C'est plutôt une bonne invitée, pas forcément à titre de promotion. Hein. Moi, je la vois aussi des fois, tu sais, dans des émissions où on est censé débattre ou des choses comme ça. Et voilà, j'ai une certaine sympathie pour le personnage médiatique. Donc je m'étais dit que c'était l'occasion d'aller voir ce que racontait au moins l'un de ses livres. Et puis, bah écoute, j'y retournerai peut-être. Elle a sorti un livre sur Émile Ajar aussi, qui doit être le dernier en date. Oui, oui, oui. Voilà. Ouais. Et je trouvais l'accroche intéressante aussi du bouquin. Donc bah, ça sera peut-être le prochain livre que je lirai de Delphine Orviller. Je ne sais pas trop, il n'y a rien de fixé encore là-dessus. Mais je peux... conseiller la lecture et de Vivre avec nos morts de Delphine Orviller et de Psychopompe d'Amélie Nothomb. Et tout arrive. Mais ouais, hein. Non, mais tu vois, il faut, et c'est important. C'est important d'aller contre les préjugés qu'on peut avoir. Et... Tout à fait, tout à fait. Et d'accepter, de reconnaître que des fois, on... Je valide à 100% ce type de démarche. Voilà. Une dernière pause, et puis on se retrouve juste après. Can you blame me for asking you more about your man and his sharkskin boots? Stay in your hotel room and not his place. Pretend the mascara's not running down your face. If you stare, if you stare into the sun for too long, you could believe you could have been someone for anyone all along. If you read your leaves from just the right angle, you could make believe love can't be wrong. Amy, can you paint me a portrait of love? Can you tell a story with creatures made of goodness and affection, compromise instead of superstition, doubt and lies? If you stare into the sun for too long, you could believe you could have been someone for anyone all along. If you read your leaves from just the right angle, you could make believe love. What's right for you is right for Amy. What's right for you is right, you see. C'était le morceau Amy's Friend par le groupe Bombadil. On va entamer la dernière partie de cette émission. Alors, je vais reprendre un peu le micro après tous ces livres dont tu viens de parler. Pour parler de choses un petit peu plus... Enfin, je ne sais pas si c'est léger. En tout cas, je voulais un peu l'aborder ici, vu qu'au début de l'année, on s'était dit qu'on fermerait plus vraiment les portes à parler d'autre chose que de livres. Et il se trouve que toi comme moi... nous sommes un tout petit peu joueurs. Vraiment léger. Ouais, on n'est pas les pires geeks de la Terre. Toi, un peu plus que moi, je pense. Moi, en ce moment, j'ai trouvé d'autres intérêts dans ma vie, bien plus intéressants d'ailleurs. Mais... Oh, comme tu clashes le jeu vidéo, oh là là. Ouais, exactement. Enfin, non, mais en plus, voilà quoi. Il se trouve que moi, j'ai longtemps été réfractaire. Enfin, pas réfractaire, j'étais surtout nul. J'ai toujours été nul aux jeux vidéo. J'ai toujours traîné avec des gens qui étaient meilleurs que moi aux jeux vidéo. Et résultat, on jouait chacun notre tour, mais moi je jouais 30 secondes et eux, ils jouaient 10 minutes avant de mourir. Voilà. Donc, j'ai toujours été un regardeur de jeux vidéo plus que joueur, vraiment. Et il se trouve que, j'ai des enfants et que j'ai voulu m'intéresser un peu à ce qui pouvait les intéresser et je suis tombé dans le jeu vidéo, même si bon, j'avais une petite appétence au tout départ, si ce n'était ce truc que j'étais pas très très fort quoi. Et il se trouve qu'en parallèle de tout ça, il y a justement ce dont j'ai parlé au début de l'émission, les gens de Capture Mag et autres Yannick Dahan qui mettaient souvent en parallèle le cinéma et le jeu vidéo, quelque chose qu'au départ je ne comprenais absolument pas. Mais aujourd'hui que je finis par appréhender un petit peu mieux, dans le sens où effectivement j'ai beaucoup plus de mal à être surpris par un film que par un jeu vidéo aujourd'hui. Alors est-ce que la forme, la mise en scène, l'interactivité joue ? Bon, ça pourrait être un débat de plusieurs heures. Voire même un colloque, je pense, je sais pas. Enfin, en tout cas, il y a un truc. Il se trouve que c'est une industrie culturelle aussi, au même titre que le cinéma, que souvent, le jeu vidéo s'inspire du cinéma, que le cinéma finit par s'inspirer de plus en plus du jeu vidéo, et que, moi, étant un lecteur de bande dessinée, un petit peu cinéphile quand même, j'ai fini par m'y intéresser et par réussir, je sais pas, mais à tomber dedans via des jeux comme les fameux Zelda dont on a pu parler et autres trucs qui m'ont fait essayer d'autres jeux, mais dont on n'a pas parlé ici, même si on pourrait éventuellement. Je ne sais pas si toi, tu as joué à Red Dead Redemption 2. La version démo et ça m'a suffi. Ouais, voilà. Mais on pourrait en parler parce qu'effectivement, quand on aime le cinéma, quand on aime le western, Red Dead Redemption 2 pourrait se situer pas loin du tout, quoi. Mais là, c'était pas de ça dont je voulais parler. C'était d'un autre type de jeu, le genre de jeu qui fait justement se dire que peut-être que en fait les jeux vidéo c'est pas aussi caricatural que ce qu'on en connaît. Un jeu qui s'appelle Gris, qui est sorti en 2019, donc c'est pas du tout une première main, c'est pas du tout une nouveauté pour le coup, et par un petit studio, un jeu produit par un tout petit studio de développement qui s'appelle Nomada. Parce que dans le monde du jeu vidéo, on ne parle pas de réalisateur ni de ceux qui l'ont fait, mais on parle du studio qui a mis de l'argent pour produire ces choses. Donc un studio espagnol, qui s'appelle Nomada. Alors Gris, c'est un jeu qui, donc moi à l'époque quand il est sorti, j'étais pas du tout dans le jeu vidéo. J'en ai entendu parler qu'au début de cette année, parce que il est sorti, il est apparu sur le fameux Game Pass de la Xbox. C'est-à-dire que on peut y accéder en payant un abonnement tous les mois. On a accès à plein de jeux de manière pas gratuite vu qu'on a payé un abonnement, un peu comme un Netflix du jeu vidéo via sa console de jeu vidéo ou son portable, son PC portable aussi. Bref, ce jeu est apparu, j'en avais vaguement entendu parler, je l'ai téléchargé, j'y ai joué et non pas que je sois tombé particulièrement amoureux du jeu, mais force est de constater qu'il y a quelque chose dans ce jeu qui est un jeu où en fait il ne se passe pas grand chose. Donc toi tu dis que tu y as joué 20 minutes. Ouais, peut-être un tout petit peu plus. Mais alors, en fait, je peux juste en dire trois mots. Oui, vas-y. Le peu que j'ai à en dire. Bah, moi, je connaissais pas du tout ce jeu non plus. Je l'ai juste découvert par hasard sur la Switch. Parce que je regarde régulièrement. Moi, je fais partie de ces gens qui ont du mal à claquer. Qui ont du mal sur un plan psychologique à claquer 60 balles pour acheter un jeu et puis qui ont du mal financièrement à claquer 60 balles, donc ça m'arrange. Tout court. voilà. Donc, et là, en l'occurrence, j'ai vu passer ce truc-là pour une poignée d'euros, on va dire, et j'ai lancé la vidéo et j'ai trouvé ça super chouette. Je crois que ça parle. Il y a une thématique autour du deuil, d'ailleurs, pour faire un écho à ce que je racontais juste avant, ou pas ? Alors, en fait, je ne sais pas de quoi ça parle. C'est un des seuls jeux auquel j'ai joué deux fois. C'est-à-dire D'accord. que je l'ai fini une première fois et typiquement, je suis en train d'y rejouer là parce que je me suis dit, tiens, je vais faire un truc. Voilà. L'histoire. Telle que je la comprends, c'est un personnage féminin qui doit s'appeler Gris, qui dort dans une main d'une statue de déesse dans le ciel et qui se retrouve sans voix. Et le fait d'être sans voix fait que son monde s'écroule. Et elle va donc tomber au sol alors qu'elle était dans le ciel. Elle va tomber au sol et à partir de là, elle va essayer de retrouver sa voix et à travers retrouver sa voix, redonner des couleurs au monde qui l'entoure, quoi. Voilà, moi, c'est vaguement ce que j'en comprends. Et encore, quand j'en parle comme ça, c'est parce que j'ai lu des trucs. Au final, effectivement, un personnage féminin avec une grande robe triangulaire et des longs cheveux marche, avance. Et puis, à un moment, elle se retrouve bloquée. Il va falloir trouver le chemin pour continuer d'avancer. Il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de bagarre, il n'y a pas de méchant. Il y a juste... Il n'y a pas de narration. Si, il y en a une, mais en tout cas, moi, j'arrive pas à passer outre le fait que je trouve ça beau. Ah, c'est magnifique. Je l'ai acheté sur la foi des images, j'ai trouvé ça superbe. Et franchement, le peu que j'ai joué juste tout à l'heure, sachant que tu allais en parler, moi, je trouve ça génial parce que je trouve ça hyper poétique. Voilà. Poétique, graphique. Ouh. En fait, tout le jeu va se concentrer autour du fait de retrouver des couleurs. Donc, chaque tableau est une couleur, et toutes les couleurs, plus on avance, plus les couleurs vont s'imbriquer les unes dans les autres pour finir par faire un beau tableau, quoi. Il se trouve que donc la première couleur c'est le rouge, donc tout est rouge, ensuite le vert, bleu, et etc. En fait, quand je voulais en parler, moi je suis assez pauvre quand il s'agit de trouver des métaphores et sur des choses comme ça. Mais en tout cas, j'avais envie de parler de références. Il y a deux dessinateurs qui, moi, me viennent deux réalisateurs, dessinateurs, créateurs qui me viennent quand je joue à Gris. Il y a le côté un peu Moebius, donc le fameux Moebius qui avait créé des mondes fantastiques de science-fiction qui ont marqué des milliers de dessinateurs dans les années 80 et aujourd'hui encore. Donc il y a un petit côté Moebius et il y a un côté aussi Michel Oslo. Et ça va parler pour les un peu à tout le monde parce que c'est le réalisateur de Kirikou, mais plus pour les quarantenaires. Il y avait cette série que Michel Oslo avait créée avec une princesse qui cherchait un prince. Et je me souviens plus du tout comment ça s'appelait, mais en fait elle cherchait ce prince. Il y avait un prince qui venait à chaque fois essayer de la séduire. Et le prince était le prince des feux d'artifice, le prince des rouages, le prince des poupées. Et en fait, tout s'imbriquait avec des couleurs fantastiques. Et ça faisait comme un manège enchanté qui se développait avec des belles lumières, avec des jeux d'ombre, etc. Et Gris, en fait, je trouve que ça s'inscrit dans cette lignée-là en termes de graphisme et d'ambiance. Donc, pour ceux à qui ça parle, je pense qu'ils pourraient être un peu interloqués. Pour les autres, j'ai vu d'autres jeux beaux, mais des comme ça, j'en ai jamais vu. Et en plus, avec la douceur de la musique, le fait qu'il n'y ait pas d'enjeu de bagarre, d'être bon ou pas. Je crois que tu peux même pas mourir d'ailleurs, si. Non, il y a des fois où juste tu galères un tout petit peu à trouver ce qu'il faut faire. Voilà. Voilà, mais, et puis tu tombes, il n'y a pas de. Le plus long, ça doit être 2 minutes. Hein. C'est pas un jeu très très long, mais voilà, je pense que c'est un peu comme un doudou, comme en plus c'est pas long, on peut vite se replonger dedans pour retrouver en fait le tableau qui nous a plu, retrouver cette ambiance si douce et poétique, et voilà. Et donc je me suis dit, tiens, on pouvait en parler. Après, j'ai pas une grosse analyse, je suis pas un gros gamer, ça reste un jeu de plateau, d'ailleurs je suis étonné que t'aimes bien, parce que c'est un jeu de plateau quand même. Mais ouais, a priori moi j'aime pas ça, et là le peu que j'y ai joué tout à l'heure, moi j'y trouve carrément mon compte, parce que comme tu disais, en fait ça joue pas tellement sur la technique du jeu. Alors c'est très rigolo parce qu'il y a des moments le personnage est en tout petit parce qu'on a un plan hyper large. Enfin, il y a quelque chose de très très cinématographique, même si on est plus dans l'animation traditionnelle en 2D. Mais les tableaux sont magnifiques et voilà. Et il y a une vraie immersion. La musique m'a l'air d'être très chouette aussi. Oui, mais tout et plus c'est déjà beau quand il n'y a qu'une seule couleur. Quand il y a une deuxième couleur, c'est encore beau. Enfin, trois. Et, enfin, vraiment, les derniers tableaux avec les 5 couleurs sont vraiment juste magnifiques, quoi. Excuse-moi. Non, mais on a juste envie d'y jouer et de revoir la scène en boucle et de se perdre dans cette douceur. Et en plus, ça finit quand même bien. on est dans quelque chose d'assez sensoriel, ouais, vraiment, dans ce jeu. Enfin, il y a une vraie immersion. Enfin, tu me diras, c'est un peu le principe du jeu vidéo. Oui, mais là, c'est une façon différente de s'immerger dans quelque chose, je trouve. C'est vraiment une proposition un peu différente. Mais il y a pas mal de jeux qui ont l'air d'exister comme ça désormais, sur des choses un peu intimistes, un peu peut-être pas nostalgique, mais enfin des choses comme ça autour du deuil, encore une fois. Alors celui-là, moi je dirais pas qu'il est nostalgique du tout, mais en tout cas une nouvelle forme, les jeux vidéo c'est pas juste un truc de bourrin avec des courses de voitures ou du foot ou buter des gens, quoi. Ou des trucs ultra fun, un peu débiles, voilà. Oui, voilà, mais enfin surtout buter des gens là. Bon, pour pas citer Fortnite, GTA, FIFA et autres, Zelda. Zelda ou Elden Ring, on en parlera une prochaine fois. On pourra faire une spéciale jeu vidéo en monde ouvert, pourquoi pas, avec des analyses poussées du jeu, quoi. Bref, voilà, je voulais absolument l'évoquer. Donc ça s'appelle Gris. Voilà, Gris, et c'est disponible un peu partout, à pas cher sur la Switch, sur le Game Pass pour le coup, pour ceux qui ont une Xbox, pour les PlayStation, j'en sais rien, je ne suis pas allé voir plus loin, mais le jeu existe depuis 2019 et il est toujours aussi magique à découvrir. Est-ce qu'on se fait une dernière pause ou est-ce que tu veux nous lancer directement sur cette dernière chose dont tu voulais nous parler? Ah non, c'est rapide. Ah oui, non, alors non, parce que oui, je suis bête. On va faire une dernière pause parce que j'ai un petit réglage à faire avant pour pouvoir le lancer. Donc on va écouter un dernier morceau. Alors je te laisse meubler 30 secondes. Ouais, donc en disant comme toujours dès qu'il faut meubler que vous pouvez aller sur le site de Radio Duo pour écouter les podcasts des précédentes émissions. Alors bon, je suis désolé, je suis pas dans toutes, mais voilà. Mais ça vaut la peine d'aller piocher, on sait jamais. Essayez de voir à chaque fois quel est le truc qui a pas marché. Ça peut être rigolo. Ouais, parce que nous, on en tient une liste exhaustive. On voudrait savoir si vous êtes aussi observateur. On peut l'être. Une des meilleures étant celle où j'ai essayé de changer de générique. celle-là, je m'en souviendrai comme une des plus grosses suées de toute l'histoire de Radio Duo. Une petite pause avec un morceau des B-52s qui s'appelle Private Idaho. We'll be right back. Voilà, c'était les B-52s, bon, sans aucun rapport avec ce dont tu vas nous parler. Non, alors, même si tout est dans tout et réciproquement, comme disait Pierre Dac, alors, en fait, il y a un truc un peu méta pour moi dans cette émission, c'est pas vraiment fait exprès, mais entre mes lectures croisées et des choses que j'ai déjà pu évoquer, je voudrais là juste vite fait parler de Meira Asher. Meira, d'ailleurs, je suppose qu'on dit Meira Asher, que j'ai découverte sur une radio à l'époque où je vivais à Saint-Étienne, une radio qui s'appelait Radio Dio, qui s'appelle toujours Radio Dio. Ça devait être un mardi soir en 1999, un truc comme ça. Il y avait une émission qui devait être consacrée à des musiques un peu agressives et là, j'ai été assez agressé. Suffisamment pour que j'aille courir à la Fnac ou je ne sais où pour trouver le disque. Donc je sais pas si les animateurs de cette émission à l'époque nous écoutent. Mes hommages. Donc Meira Asher, dis-moi. Non, mes respects. Ouais, voilà. Meira Asher, c'est une artiste israélienne. Donc voilà, comme ça, je fais la boucle avec Delphine Horviller. Qui n'est pas israélienne, mais voilà, qui a vécu en Israël, etc., etc. Sauf que Meira Asher, elle a un parcours un peu particulier. Donc c'est quelqu'un qui fait de la musique, qui fait de la noise. On peut dire ça comme ça. Oui. À part son premier album, qui était un truc un peu world avec un peu électro, etc. C'est quelqu'un qui vient de la percussion. Au départ. Oui. Et qui a vite tourné à des choses quand même plus noise. Alors quand je dis noise, c'est pas forcément harsh noise, mais ouais. Non, t'es pas d'accord. Si, mais pour moi noise, je mets ça un truc un peu plus rock, alors qu'elle, je la vois plus dans un truc artiste avec. Et musique expérimentale, quoi, voilà. Ouais, mais non, enfin bon, voilà, qui pourrait sembler être du bruit, mais je la vois plus du côté du power electronics ou des trucs comme ça. Enfin, je sais pas si c'est ça les mots, mais en tout cas, ou des glitches, enfin des trucs un peu comme ça. Mais c'est vrai que c'est un truc un peu, enfin, je sais pas si c'est exigeant, mais en tout cas, c'est pas facile. Donc, c'est pas grand public. C'est pas facile d'écoute, mais parce que ça s'inscrit dans un travail et dans un discours politique, en fait. Et, oui, complètement. Un discours politique qui baigne à fond dans ce qui est en train de se passer aujourd'hui, et je pense que c'est pour ça que tu voulais en parler. Voilà. Ben alors, je voulais en parler parce qu'en fait, moi, c'est vraiment un disque qui m'accompagne depuis 1999 qu'il est sorti, tu vois. C'est vrai que on a tous des disques qu'on a beaucoup aimés à une époque et puis qui ont duré quelques années et basta. Et c'est pas le cas de Spears into Hooks, donc l'album qu'elle a sorti cette année-là. La pochette est assez effroyable, hein, on la voit crâne rasé, absolument squelettique. Voilà, c'est une image assez évocatrice. Et donc effectivement, elle parle déjà à l'époque, mais c'était déjà pas nouveau à ce moment-là, des problématiques entre Israël et Palestine, et elle qui est plutôt anticolonial, j'ai envie de dire, qui a travaillé en Afrique aussi, qui a fait un documentaire, tu vois, ça je connaissais pas cet aspect-là de sa personne, mais elle fait aussi des documentaires elle a fait un documentaire sur les femmes, enfin sur les enfants soldats, et en l'occurrence des femmes qui ont été enfants soldats. Donc voilà, c'est un truc qui la préoccupe quand même pas mal, la guerre et l'implication des enfants dans les atrocités. Et voilà, donc ça c'était un peu pour présenter Meira Asher. Donc si ça te va, moi je propose qu'on écoute Shahid, qui est le morceau d'ouverture de Spears into Hooks. Voilà, alors comme j'avais pas spécialement prévu, c'est un peu à l'arrache, on va voir si ça fonctionne. Normalement ça devrait aller. De toute façon, je valide le truc. Dernièrement, elle a un petit peu écrit sur son Facebook rapport à ce qui est en train de se passer. De toute façon, c'est quelqu'un qui est très intéressant d'une manière générale, et puis voilà, c'est une voix dissidente et très forte. Voilà. Si je dis pas de bêtises, c'est une Israélienne qui vit en Palestine, mais pas dans les colonies, quoi. Non, elle a fui. Elle dit qu'elle est plus du tout par là-bas. Elle est en Autriche, je crois, un truc comme ça. Oui, mais elle y était encore il y a pas très longtemps, je pense. Bon, enfin, bref. Bon, voilà. Peu importe. mais bon, voilà. Bon, on lance ce morceau. On se retrouve dans un mois. Alors le mois prochain, ce sera le premier jeudi de l'année. C'est-à-dire le 2, 3, le 4 décembre. Tiffen va faire l'émission. Elle est en train de préparer la prochaine émission. Donc, oh là là, elle prépare les émissions à l'avance et tout. Non, quoi. Je suis désolé, c'est une part de l'ADN de l'émission, mais on commencera quand même en retard, ne vous en faites pas. Non, et en plus, Dominique de la Nuit des Temps m'a dit que ce qui serait bien qu'à la prochaine émission, on se passe l'émission vraiment et qu'on commence à l'heure en fait. Wow. Parce que, bon, pour expliquer pourquoi l'émission commence souvent en retard, c'est parce que moi je suis dans les studios, Benjamin il est chez lui, mais dans les studios, il y a une émission avant et moi j'aime bien papoter avec l'animateur d'avant, avec les micros bouchés. Enfin, les micros fermés, quoi. Donc, pour parler de la pluie, du beau temps, est-ce qu'il neige à Saint-Étienne, etc. Et c'est souvent pour ça que l'émission commence en retard. Voilà. Ceci étant dit, bon, on se retrouve dans un mois. On laisse la place à Mayra Cher qui va. Voilà, on laisse la place à Mayra Cher. Allez, est-ce que je vais réussir ? Oui, c'est parti. Non, ça ne marche pas. Ah, peut-être. C'est parti. Another religious boy again does another act of a saint. Bus, bike, boat, by feet, shahid drives a holy deadbeat. Another religious boy again does another act of a saint. Bus, bike, boat, by feet, shahid drives a holy deadbeat. And a selected army squad sent to the village where he stayed, say to his family, house, and explode his house. Nobody denies me in the vacation. The boy is on vacation.